J'ai pas de cacahuètes ni de sparadrap. Je vais aller chercher des bouteilles en bas. Parce que le mec de la caisse il croit que je suis tout seul. Du coup j'ai appelé ma pote pour pas que le mec de la caisse croit que je suis tout seul. Pom pom pom pa pa pam pom pom pom pa pa pam pa pa pam pa pa pam.